بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'évocation des œuvres pieuses à effectuer pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Lors de notre dernière élocution, nous avons évoqué l'adoration du jeûne. Aujourd'hui, nous allons évoquer une autre adoration qui est le takbir. Takbir qui est le fait de dire Allahu Akbar. Qui est un masdar, un nom d'action du verbe kabbara, qui signifie donc le fait de dire Allahu Akbar. Et nous reviendrons sur sa formulation d'ici la fin de cette élocution, Inch'Allah. Il est donc recommandé pendant ces 10 jours de multiplier les takbirs. Sachez mes frères et sœurs que ce takbir se divise en deux. Les ulémas l'ont divisé en deux catégories. Un takbir qu'on appelle takbir muqayyad et un takbir qui se nomme takbir mutlaq. Un takbir al-muqayyad, on le traduira par le takbir restreint, c'est-à-dire c'est lui qui est restreint à un moment précis, qui se prononce uniquement après les 5 prières obligatoires. Et nous verrons quand est-ce qu'il commence, Inch'Allah. Et nous avons le takbir al-mutlaq, qu'on traduira par le takbir général. C'est celui qui se prononce à tout moment du jour et de la nuit. Et donc, il n'est pas restreint à un moment particulier. Le takbir al-mutlaq, dès que la vision du croissant de lune annonce l'entrée dans le mois de Dhul-Hijjah, est confirmé, alors on peut commencer ce takbir al-mutlaq à tout instant. Et cela, beaucoup de gens le négligent à notre époque. Il est même rare aujourd'hui, malheureusement, de voir pendant ces jours bénis quelqu'un prononcer ce takbir. Et il est légiféré jusqu'au dernier jour de Tashriq, c'est-à-dire le troisième jour après l'Aïd, comme le soutient Cheikh al-Utaymin, rahimahullahu ta'ala. D'autres voient, comme Cheikh Ibn Baz dans son Majmu' al-Fatawa, qu'il s'arrête au 9e jour, c'est-à-dire au matin du 9e jour de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire le jour de Arafat. On arrête le takbir al-mutlaq et on laisse la place au takbir al-muqayyad. Ce takbir al-muqayyad ou al-mutlaq se prononce à voix haute, excepté pour les femmes qui, elles, le prononce à voix basse, c'est-à-dire il suffit qu'elles s'entendent uniquement. Quant aux preuves concernant ce takbir al-mutlaq, il n'y a pas de hadith émanant directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Bukhari rapporte, ta'liqan, c'est-à-dire en commentaire dans son authentique, que Ibn Umar et Abi Huraira, radiallahu anhuma, sortaient au marché avec pour seul but de prononcer le takbir à voix haute. Ils sortaient, ils prononçaient le takbir à voix haute, et les gens se mettaient ensuite à eux-mêmes prononcer le takbir à voix haute. كَانَ يَخْرُجَانِ لَسُّوقِ أَيَّمِ الْعَشْرِ فَيُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسِ بِتَكْبِيرِهِمَا. Et ce hadith est également rapporté par Al-Faqihi dans son livre Akhbar Mekka, qu'il attribue à Mujahid. Et donc même s'il y a divergence sur les chaînes de transmission, beaucoup la voient comme bonne et donc comme un argument recevable pour justifier ce takbir al-mutlaq. Et c'est rapporté également, on rapporte également de Maymoun ibn Mahran qu'il a dit « Adraktu an-nas wa innahum la yukabbiruna fil ash hatta kuntu ushbihu aw ushabbihu bil amwaj min kathratihim » Il dit j'ai vu les gens et certes tous prononçaient le takbir pendant les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, au point que je faisais ressembler le son de ce takbir à une vague tellement ils étaient nombreux. Quant au takbir al-muqayyad, c'est celui qui commence après le subh du matin de Arafat, c'est-à-dire le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, pour se prolonger jusqu'au dernier jour de Ayyam al-Tashriq, c'est-à-dire le 13e jour du mois de Dhul-Hijjah. Et le takbir al-muqayyad, lui non plus, on n'a pas de hadith authentique émanant directement de la personne du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais lui aussi, il est rapporté de beaucoup de sahaba, comme Ali, comme Ibn Mas'ud, toujours comme Ibn Umar et Abu Huraira. Et donc, il se prononce après chaque prière obligatoire, après le Fajr, al-Dhor, al-Asr, al-Maghrib ou al-Isha. Et attention, il ne se fait pas en groupe, chacun le prononce de son côté. Dernière chose, avant que l'on se quitte, quelle est la formulation de ce takbir? Donc on rapporte plusieurs formulations. Une rapportée par Ibn Mas'ud, rapporté par Ibn Abi Shayba avec une chaîne de transmission authentique. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. On rapporte également Allahu Akbar kabira. C'est rapporté notamment dans Fath al-Bari. Troisième formulation que l'on peut trouver, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Celui-là, il est rapporté par Ibn Abbas, rapporté par Ibn Abi Shayba avec une chaîne de transmission authentique. Donc on a plusieurs formulations et la question est large sur la formulation du takbir. Donc on voit bien qu'il est recommandé de multiplier le takbir et malheureusement on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très délaissé au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas. Alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le Athar de Maimoun ibn Maharan, c'est quelque chose qui était très très largement répandu dans les sociétés musulmanes. Et c'est une manière de proclamer la grandeur d'Allah, c'est une manière de remercier notre Seigneur de ses jours bénis, c'est une manière également de montrer fièrement notre religion, et le musulman doit être fier de sa religion, fier de ses rites, et ne pas au contraire avoir honte. Et il appartient donc à chacun d'entre nous de faire revivre cela, et de l'enseigner également à nos familles, à nos enfants, à nos épouses. Et si quelqu'un nous dit, je vis dans un pays non musulman, c'est compliqué à faire, je ne pourrais pas le faire, alors on lui répondra qu'il se pose sincèrement la question de sa présence dans un tel pays où il ne peut même pas dire Allahu Akbar. Jazakumullahu khair, alayhi husni istima'ikum, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.